sortira. Lucie, pendant que je chante, un type prépare son suicide. Chez moi, y'a pas de courant, comment péter un fusible? Chez moi, y'a pas de courant, comment péter un fusible? Oh, oh, oh. Quand la rue t'attrape, le passé te traque. Quand tu parles de keuf, t'envoies la matraque. Cette femme enceinte est en quête de crack. Elle aura son crack en échange de cash. Elle aura son crack. Aujourd'hui tu oses m'appeler la famille, mais j'ai reconnu ta voix lors du home jacking. On a tous un million de raisons de sortir le Uzi. On a tous un million de raisons de sortir le Uzi. On a tous un million de raisons de sortir le Uzi. On se t'apprend, arrache-toi. D'ici y'a un million de raisons de sortir le Uzi. Pendant que je chante, un type prépare son suicide. Chez moi y'a pas de courant, comment pardonne. Sinon le paradis serait vite, je devrais rejoindre tous ta porte. Non, je suis pas né pour ça, je suis pas le plus sain. Mais je sais qu'en faisant du mal, j'ai fait du bien et ça peu de gens savent. Musique annoncée, regarde couleur billet pour tout ce que tu m'auras pillé. Tu vas danser le YMCA. Rien à cirer, scier seulement si la scier. Tu peux plier, tu pourras nous filer ou tenter d'opiner. Pour l'instant c'est miné. Bac, économie, non, j'économise. Yes, combien de vie? Une, plus de cannabis. Uzi, Uzi pour te blesser, seule la mort peut nous désarmer. Section d'assaut dans ton building, faut faire appel à l'armée. Veux-tu m'empêcher de schéma? Les chiens sont libres de courir, même Sénat. Pareil que le mur a le visage d'Ayrton Senna. Ils me font grailler de la terre, je régurgite que des roses. Je plierai pas, la chaise est électrique, mais rien à foutre le pose. On se t'apprend, arrache-toi. D'ici y'a un million de raisons de sortir. Uzi, pendant que je chante, un type prépare son suicide. Chez moi y'a pas de courant, comment péter un fusible? Je suis d'humeur noire, j'écris, je remplis des pages tous les soirs. Comme mes potos gros, je me fracasse l'œsophage. V'là les justiciers masqués mais sans les caps. Du bon taf, signé V-E-N-D-E-2-T-A. Je suis dans les temps selon moi, mais j'ai comme un léger handicap virulent. Trash nocif, plus que dévastateur et plus calme. Ni j'ai bu jusqu'au trou noir, plus comme un malade mental. Affligea mon organisme, mes douleurs inexplicables. Chaque soir c'est la même, on se fait le remake. De la veille on claque, casse des bouteilles on plane. Même sans kérosène on clash. Van sur un tel à pute, 4 sur un tel. Attends que le pif tombe du ciel, on a pas que ça à faire, on est. Comme sur la selle est épuisé, se dire que ce n'est que le début des plaines, que les soucis nous creusent les pommettes. Sans précéder à les zones, et il est tenté de faire un billet déterminé. Qui t'a prié seul avec Iblis au sommet. Poto la débrouille, ça on connaît. Faut qu'il y ait du tag à paraffiner, ça on connaît. Money, money, money. Certains la voient comme remède. On passe ton cutre même s'il y a les keufs à 100 mètres. On se fait apprendre, arrache-toi. D'ici y'a un million de raisons de sortir. Pendant que je chante, un type prépare son suicide. Chez moi y'a